La route s'étire sous un ciel de plomb. Chaque pas m'emmène plus loin du front. Les cendres dansent au vent amer. Souvenir d'un monde devenu désert. Le métal rouillé raconte nos vies. Des histoires brisées, des nuits sans cri. Je marche seul, l'âme en errance, portant le poids de cette absence. Les étoiles cachées par la fumée éclaire à peine cette cité. Les ombres glissent entre les décombres. Des voix s'élèvent, vibrent dans l'ombre. La poussière voile les rêves usés. Mais la foi refuse d'être brisée. Je tends la main vers un demain où renaît l'espoir enfin. Le vent murmure des chants anciens, des prières perdues dans le lointain. Je marche dans ce labyrinthe froid, cherchant la lumière. Les ruines chantent des mélodies d'une époque morte, d'une vie oubliée. Je porte en moi cette flamme fragile, guidée par un souffle tranquille. Hold the flame through dust and pain. In the silence we remain. Keep the fire, don't let it die. Through the darkness, through the sky. Les chaînes brisées tombent au sol, mais l'espoir coule dans nos paroles. Je crie la vie dans ce désert, un chant fragile, sincère et amer. Les murs s'effondrent, mais pas nos voix. Nous avançons unis, droit devant toi. Unis par la foi, guidés par l'envie de retrouver la lumière enfouie. Les ruines pleurent des secrets anciens. Les cœurs battent toujours incertains. Mais dans le souffle d'un vent noir, une lueur perce le désespoir. Je vois danser les ombres du passé, des visages d'anges oubliés. Ils chantent encore dans le silence, une prière pleine d'espérance. Keep the fire, don't let it fade. Stand your ground, keep the light,